le vivre. Mon hip hop et swingé la délinquance. Le ghetto veut vivre. Le ghetto veut vivre. Sans ce pour les mecs qui rappent dans les hauts. Qui n'ont pas le choix et qui grattent quand c'est chaud. C'est chaud. Et des brouillards. Des artistes. Les bad boys qui foutent droit. La foule a foulé la chance. Assassiner l'espoir, le meurtre était bien trop facile. Il n'y avait pas de témoin dans le noir. Quand la vie perd son sens, alors que la poisse t'empoisonne et t'impose la soumission. Y'a la zone sous la camisole, la pression et la contienne. Alors ici on fume cette merde d'herbe de shit, cacher sa conso des ch'tards. Pas de barrette dans le slip, y'a pas de carrière dans l'écoulement des sables. T'as cru que c'est ta maison, arrête connard, c'est juste des châteaux de sable. On est tous les enfants de cette putain d'histoire coloniale, génération de la revanche. Parle pas si tu connais mal, c'est pas question de s'en sortir pour avoir une vie pépère. Ici tout le monde il a les gros. Est-ce qu'on veut éviter ses pères, ça vient d'en bas, ça vient de la rue. Le sous-sol et ses mélodies, notre musique c'est de la ruse. C'est l'alarme avant qu'elle mène au pire. Les vrais reconnaîtront la crise comme un rap à l'ancienne. On est tous repentis pour avoir ressenti la haine. C'est pour les mecs qui rappent dans les hauts. Qui n'ont pas le choix et qui grattent quand c'est chaud. C'est chaud. Et des brouillards, des artistes. Les bad boys qui foutent droit le micro. C'est pour les mecs qui rappent dans les hauts. Qui n'ont pas le choix et qui grattent quand c'est chaud. C'est chaud. Et des brouillards. Des artistes, des bad boys qui foutent droit le micro. Ouais, tu crois m'avoir, tu veux me juger, profiter. Tu finiras en chien, je sortirai à la barre. J'ai plus de boules dans un film de boules. Toi tu sais pas, on a regard, tu fais la poule. Et moi je te jetterai à la mare. On a ta part, comme du chargeur. Blindé à la race, on comprend son schlar. S'habituer à voir des films d'horreur. Nous on égorge, et pas que les poupées. Si on t'a fait douter, qu'on nous la gorge. C'est la médaille d'honneur, c'est avec classe qu'on t'abat. Et dans ma classe, je suis un accro, on ne crée pas qu'au tabac. Si mon destin serait pas dans le rap, j'aurais tout fait pour finir aux assises. Et pas pour ta gamme, viens pas me tester. Tout seul t'as aucune garantie. Tu peux arriver d'espie, à l'arrivée tu marches au ralenti. T'as exaucé ton vœu, en voyant tomber. J'étais pour te faire plaisir, histoire qu'on dise que t'arrives à ma cheville. C'est pour les mecs qui rappent dans les hauts. Qui n'ont pas le choix et qui grattent quand c'est chaud. C'est chaud. Et des brouillards, des artistes. Des bad boys qui foutent droit le micro. C'est pour les mecs qui rappent dans les hauts. Qui n'ont pas le choix et qui grattent quand c'est chaud. Quand c'est chaud. Et des brouillards, des artistes. Des bad boys qui foutent droit le micro. J'ai le but ça pour rigoler à chaque couplet. Je joue ma Yves, mal orienté, ça sourit quand la trajectoire tu dérives. J'ai pas la science des livres qu'un stylo, un multipiste. Trop d'artistes flirtent avec la course, c'est l'industrie du beat. Dis-toi qu'avoir des couilles, c'est savoir placer ses billes. Joue pas les mecs qui plantent. Si t'as un cœur sous ton teddy, le message derrière le micro, t'entends pas, je te l'expédie. Cherche pas une femme, un mariage, elles veulent toutes des cases dédiées. Pour les filles, je me fais des films, alors combien de courts-métrages? Je suis parano, pas des vôtres, ma semelle a du kilométrage. Je mesure l'enjeu face au danger, et on voit qui sont les lâches. J'essaye de contourner le destin, et les balles prennent des virages. J'ai grandi dans les marécages, j'ai dans de gouantes que j'endommage. Arrête de me parler de rap clash, je ne rentre pas dans l'engrenage. J'aime les thèmes, en effet, pour écrire, j'ai pas la plèvre. J'ai un destin, ce qui me plaît, ma voix lui fait son baptême. Swinguer la délinquance, mon hip hop fait swinguer la délinquance, mon hip hop fait swinguer la délinquance, la délinquance.